Jean chapitre 10. En vérité je vous dis, que celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie des brebis, mais y monte par ailleurs, est un larron et un voleur. Mais celui qui entre par la porte, est le berger des brebis. Le portier ouvre à celui-là, et les brebis entendent sa voix, et il appelle ses propres brebis par leur nom, et les mène dehors. Et quand il a mis ses brebis dehors, il va devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger, au contraire, elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent point la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent point ce qu'il leur disait. Jésus donc leur dit encore, en vérité je vous dis, que je suis la porte par où entrent les brebis. Tout autant qu'il en est venu avant moi, sont des larrons et des voleurs, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, et il entrera et sortira, et il trouvera de la pâture. Le larron ne vient que pour dérober, et pour tuer et détruire, je suis venu afin qu'elles aient la vie, et qu'elles l'aient même en abondance. Je suis le bon berger met sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, et celui qui n'est point berger, à qui n'appartiennent point les brebis, voyant venir le loup, abandonne les brebis, et s'enfuit, et le loup ravit et disperse les brebis. Ainsi le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se soucie point des brebis. Je suis le bon berger, et je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, je connais aussi le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, et il me les faut aussi amener, et elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, et un seul berger. À cause de ceci le Père même, sait que je laisse ma vie, afin que je la reprenne. Personne ne me l'ôte, mais je la laisse de moi-même, j'ai la puissance de la laisser, et la puissance de la reprendre, j'ai reçu ce commandement de mon Père. Il y eut encore de la division parmi les Juifs à cause de ces discours. Car plusieurs disaient, il a un démon, et il est hors du sens, pourquoi l'écoutez-vous? Et les autres disaient, ces paroles ne sont point d'un démoniaque, le démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Or la fête de la dédicace se fit à Jérusalem, et c'était en hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, au portique de Salomon. Et les Juifs l'environnèrent, et lui dirent, jusqu'à quand tiens-tu notre âme en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne le croyez point, les œuvres que je fais au nom de mon Père, rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez point, parce que vous n'êtes point de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne les peut ravir des mains de mon Père. Moi et le Père sommes un. Alors les Juifs prirent encore des pierres pour le lapider. Mais Jésus leur répondit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père, pour laquelle donc de ces œuvres me lapidez-vous? Les Juifs répondirent, en lui disant, nous ne te lapidons point pour aucune bonne œuvre, mais pour un blasphème, et parce que, n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit en votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a donc appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu est adressée, et cependant l'Écriture ne peut être anéantie. Dites-vous que je blasphème, moi que le Père a sanctifié, et qu'il a envoyé au monde, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez point. Mais si je les fais, et que vous ne vouliez pas me croire, croyez à ses œuvres, afin que vous connaissiez et que vous croyiez que le Père est en moi, et moi en lui. À cause de cela ils cherchaient encore à le saisir, mais il échappa de leurs mains. Et il s'en alla encore au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait baptisé au commencement, et il demeura là. Et plusieurs vinrent à lui, et ils disaient, quant à Jean, il n'a fait aucun miracle, mais toutes les choses que Jean a dites de celui-ci, étaient véritables. Et plusieurs crurent là en lui.